tienne la couleur de ce destin n'est plus la tienne et ce qui te tend les mains en vaut la peine il te faudra te choisir cette fois d'hier il n'y a que le bien que tu envoies bien que tu sois loin déjà encore s'éteigne les feux allumés par tes envies soudaines de n'être qu'à toi et ça tu n'osais pas s'égare pour mieux recommencer. Le moment est arrivé. S'en aller, comment on revient? Comment on revient vers soi enfin? D'une histoire à l'autre, tu changeais de repère, comme si le soleil tournait autour de la terre. Et depuis que tu vis ta vie à ta manière, tu te reçois 5 sur 5 cette fois. S'en aller, comment s'égare pour mieux recommencer? Le moment est arrivé. Arrêtez de retenir la force qui pousse l'autre demi à tout changer, à te redevenir. Et s'en aller, comment s'égare pour mieux recommencer? Le moment est arrivé. Le moment est arrivé et s'en aller. Comment revient? C'est le moment d'y penser.